Bilan, page 130, activité 1, piste 115. Dans mon quartier, il y a tout. Un musée, une piscine, un cinéma, etc. Moi, j'habite près de la piscine, et j'y vais souvent avec mon frère. Mais je préfère le cinéma. Il est grand et il est chouette.